Raconte pas de trucs. Je n'irai pas. Parce que la danse, j'aime pas. Jamais. Même pas une fois. Si, j'étais allé une autre fois pour lever une nana. Ça gueule trop fort. Puis je te dis, j'aime pas danser. À l'époque du disco, je passais plutôt mon temps dans tes bars. Tu veux baiser? Ouais. A time has come to make a decision. Are we in this thing? A time has come to make a decision. Are we in this thing? A time has come to make a decision. Are we in this thing? A time has come to make a decision. Are we in this thing alone? Or are we only in it together? Are we in this thing alone, or are we in it together?